Les ponts. Ce pont est au-dessus de l'eau. On peut le lever et le baisser. Regarde, le pont est lavé. Les voitures ne peuvent pas passer sur le pont. Ce pont est au-dessus de la route. Des personnes passent sur le pont. Les voitures ne peuvent pas passer sur ce pont. Regarde ce pont. Il y a des boutiques sur le pont. Les voitures ne peuvent pas passer sur ce pont. Ce pont est au-dessus du sol. Regarde l'eau sur le pont. Un bateau peut passer sur le pont. Les voitures ne peuvent pas passer sur ce pont. Ce pont est fait de cordes. Une personne peut passer sur ce pont. Les voitures ne peuvent pas passer sur ce pont. Voici un pont pour les voitures, les camions, les autobus. Les personnes aussi peuvent passer sur ce pont. Regarde ces ponts.